Une nuit. C'est toujours la nuit dans le tombeau. Il s'éveilla. Luisant comme un hideux flambeau, d'étranges visions emplissaient sa paupière. Des rires éclataient sous son plafond de pierre. Livide, il se dressa. La vision grandit. Ô terreur ! Une voix qu'il reconnut lui dit « Réveille-toi ! Moscou, Waterloo, Sainte-Hélène, l'exil, les rois geôliers, l'Angleterre hautaine, sur ton lit accouté à ton dernier moment, sire, cela n'est rien. Voici le châtiment. » La voix alors devint âpre, amère, stridente, comme le noir sarcasme et l'ironie ardente. C'était le rire amer, mordant un demi-dieu. « Sire, on t'a retiré de ton panthéon bleu. Sire, on t'a descendu de ta haute colonne. Regarde, des brigands dont les seins tourbillonnent, d'affreux bohémiens, des vainqueurs de charniers, te tiennent dans leurs mains et t'ont fait prisonnier. À ton orteil d'airain, leurs pattes infâmes touchent. Ils t'ont pris. Tu mourus, comme un astre se couche, Napoléon le Grand, empereur. Tu renais, Bonaparte, écuyer du cirque Beauharnais. Te voilà dans leur rang. On t'a, l'on te harnache. Ils t'appellent tout haut, grand homme. Entre eux, ganache. Ils traînent. Sur Paris, qui les voit s'étaler, des sabres qu'au besoin, ils sauraient avaler. Aux passants attroupés devant leur habitacle, ils disent, entends-les, « Empire à grand spectacle ! Le pape est engagé dans la troupe. C'est bien. Nous avons mieux. Le tsar, année. Mais ce n'est rien. Le tsar n'est qu'un sergent. Le pape n'est qu'un bonze. Nous avons avec nous le bonhomme de bronze. Nous sommes les neveux du grand Napoléon. »